poignet qui me pousse en haut de la pente. Le poignet qui me pousse en haut de la pente. Le crétin qui me pousse en haut de la pente. Le minable qui me pousse en haut de la pente. Je descends. Dans ma chaise roulante, je ricane et je chante. Je suis rapide comme un bolide. Je n'ai pas de frein pour vos sales babins que je renverse sur mon chemin. Le poignet qui me pousse en haut de la pente. Le poignet qui me pousse en haut.